1, 2, 1, 2. Monsieur Martin, agence BNP Paribas, bonjour. Bonjour, c'est Madame Henri. Voilà, je souhaite créer mon commerce et j'aimerais savoir quel type de compte je dois ouvrir, quelles sont les formalités pour un crédit. Est-ce que je peux avoir plusieurs cartes bancaires et... Bien sûr, Madame Henri, je vais répondre à toutes vos questions. Dans un monde qui change, les créateurs d'entreprises ont besoin d'être accompagnés pour bien démarrer. Nos experts vous accompagnent dès le lancement de votre activité avec un programme de rendez-vous personnalisé. Pour tout projet, simulez votre demande de prêt sur mabankepro.bnpparibas. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Programme réservé aux professionnels. Plus d'infos en agence et sur mabankepro.bnpparibas. Aux Pays-Bas, une jeune femme de 20 ans a pu être euthanasiée à sa demande, non pas parce qu'elle était en fin de vie, mais parce qu'elle avait subi un viol. Bonjour Laura Mauching. Bonjour. Les médecins ont conclu que ce traumatisme lui était devenu insupportable. Oui, elle ne pouvait plus vivre avec ce fardeau qu'elle portait en elle depuis l'enfance. De ses 5 à 15 ans, elle est abusée sexuellement. Elle essaye de s'en remettre, mais les conséquences psychologiques sont trop importantes. La jeune femme souffre de stress post-traumatique, d'une sévère anorexie, de dépression, d'hallucinations. Elle tente plusieurs fois de se suicider, passe la grande majorité de son temps dans son lit. Impossible de trouver la force de se lever. Elle suit une thérapie intense qui montre quelques améliorations, mais elle demande tout de même au médecin de mettre fin à sa vie. La réponse tombe, le corps médical est d'accord avec elle. Ses symptômes sont considérés comme incurables. Il n'y aurait plus aucun espoir pour elle. Malgré son état, les médecins la jugent en capacité de prendre cette décision. Il faut savoir qu'aux Pays-Bas, la loi autorise depuis 2002 l'euthanasie. Si la situation du patient est considérée comme désespérée, il y en a eu plus de 5 500 rien que l'an passé. Des élus anglais s'insurgent. Comment peut-on décider qu'il n'y a pas d'issue positive à une grave dépression? Pour certains, ce suicide assisté envoie le dangereux message à toutes les personnes victimes d'agressions sexuelles qu'une issue possible est la mort. Merci Laura Mauching.